les anniversaires people pour ce dimanche. Nemo Schiffman, c'est aujourd'hui. Demain, ce sera Shrek. Mardi, Michel Lepp. Mercredi, Barbara Streisand. Jeudi, Bryce Samba. Vendredi, Laurent Orgnac. Samedi, Ariel. Et dimanche prochain, Jacques Dutroux. Vous avez joué l'auto, vous êtes peut-être les heureux gagnants des numéros suivants. Le 1, le 17, le 22, le 24, le 33, le 41 et le 2. Pour le Joker Plus, le 888, 287, signe Bélier. Nous fêtons aujourd'hui les Anslem. Bonne fête à vous. C'est la journée de l'innovation et de la création. Le dicton dernière fleur à semer à la Saint-Anselme. Et en 1966, c'était la première implantation du cœur artificiel sur l'homme. Restons dans les infos de Radio Chevaucheur en vous rappelant ce dimanche à la guinguette, nous aurons Josiane Martin qui sera là à partir de 14h et on va souhaiter la bienvenue à tous les résidents de la maison de Grand Pré de Wipion qui sera là pour cette manifestation, cette festivité. L'émission en direct sur la 105.5 Radio Chevaucheur, Josiane Martin, bienvenue à vous. À tous les résidents ainsi qu'à toi, Lou. Dimanche prochain, le 28 avril, nous serons à la guinguette avec Cathy Minet. Le 5 mai, ce sera Jean-Yves Quinet. Le 19 mai, jeux bingo et karaoké. Et le 24 mai, nous serons bien sûr en solidarité avec les écoles. Et tout cela, Patrick Duquenoir viendra nous en parler mardi matin à 10h avec Jean-François. Le 24 avril, ce sera un souper spaghetti bolognaise au prix de 15€, où là vous pouvez réserver aussi à Radio Chevaucheur et faire votre paiement. Ce sera à partir de 19h. Si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien, vous pourrez le demander cet après-midi à Radio Chevaucheur, mardi matin avec Patrick Duquenoy dès 10h ou bien sûr au 0400 77 59 48 43. Soutenir votre radio avec vos cartes de soutien, également vos cartes à dédicace ou votre abonnement, sans oublier vos sachets de bonbons. Cette fois-ci, ils sont au prix de 1€. Il nous en reste encore quelques-uns et puis la série sera finie pour de bon. Vous pouvez toujours également parrainer les émissions de vos animateurs. Hein, c'est 3€ pour le mois par animateur. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le www.radiochevauchoir.be et vous pouvez toujours nous écouter également par Internet au même endroit, www.radiochevauchoir.be. Et si vous voulez soutenir bien sûr ce site, c'est 20 euros par mois. Bella avec Maître Gim sur les antennes de Radio Chevauchard en ce dimanche matin, il est 9h23. Je vous souhaite un bon réveil matin. Si vous avez les croissants, les petits pains au chocolat, eh bien, bonne dégustation. Réveillez-vous bien avec cela. Et nous allons écouter une publicité où là où vous pouvez toujours téléphoner à notre animatrice Luce, hein, si vous voulez une voyance le samedi matin à Radio Chevauchard. Eh bien, vous avez le numéro avec la petite carte et vous avez son numéro de GSM. Le voici. Votre avenir vous préoccupe. Une seule émission, V comme voyance, en compagnie de Luce, le samedi de 9h30 à 12h. Vous pouvez l'appeler une première fois au 0476 42 83 89. Pour la suite, on vous invitera à acheter une carte de votre radio. N'hésitez pas, V comme voyance, le samedi de 9h30 à 12h. Voilà, c'est tout simple, hein. Il faut prendre le numéro de téléphone qu'on vient de vous annoncer ou alors l'autre que vous avez directement avec l'abonnement de Radio Chevauchoir. Pour toutes les personnes qui viennent de se lever, qui prennent le petit déjeuner en ce dimanche matin, je vais remercier Julos de m'avoir remplacé la semaine dernière. On était au Casino de Spa et c'est reparti pour un tour très bientôt dans les mois qui arrivent. Celui qui peut t'aimer sans jamais te juger. Celui qui reste quand les autres t'ont déjà quitté. Opération Solidarité. Vous pouvez nous soutenir au BE 91 0632 31 09 69 76 ou via le lien sur notre page Facebook. Merci de vos encouragements. Eh bien, tout grand merci à tous ceux et celles, les donateurs de Radio Chevauchoir qui nous aident pour l'antenne de Radio Chevauchoir. Eh bien, l'antenne, normalement, elle est fixée après le 15 mai. Alors, nous n'avons pas encore la totalité de la somme, je vous rassure, mais on fait tout pour l'avoir. Alors, encore un grand merci par votre aide, hein, que ce soit 1 euro, 2 euros ou plus. Eh bien, tout grand merci pour votre générosité pour cette antenne. S'il a tes larmes aussi, si les mêmes colères vous prennent quand la terre, avec ses prophètes et ses guerres s'en va de travers. Je dis que si c'est un ami, tu peux dire un grand merci à... Et un grand merci également aux personnes qui nous aident à assurer le bon fonctionnement de notre ASBL via les papiers. Je n'oublie pas ces deux personnes du côté de Lustin. Un grand merci à vous.